Jamais une expression imagée n'a été aussi bien illustrée. Le coup de balai, qui vient de chasser le président burkinabé Blaise Compaoré, a été initié par un mouvement associatif de jeunes gens qui ont choisi de s'appeler le balai citoyen. Autre détail symbolique, ces balayeurs citoyens se sont référés aux idéaux d'un chef d'État devenu quasi légendaire au Burkina Faso, mais aussi dans une grande partie de l'Afrique, Thomas Sankara. L'homme qui a été justement chassé du pouvoir en 1987 par Compaoré, le militaire qui a peut-être commandité son assassinat. Grâce au balai citoyen, Sankara vient-il enfin d'être vengé 27 ans après sa disparition? Ravaillac, comme certains Burkinabés appelaient Compaoré, a-t-il donc payé pour la trahison de celui dont il prétendait être le meilleur ami? Dans ce nouvel entretien, M. X revient sur les derniers événements qui ont agité le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, comme Sankara lui-même avait baptisé son pays, l'ancienne Haute-Volta des colons français. Il montre surtout pourquoi, malgré nombre de connivences troubles, Blaise Compaoré s'était mué peu à peu en juge de paix régional, ce qui explique entre autres l'exceptionnelle longévité de son règne. Enfin, à la lumière de ce nouveau bouleversement, M. X évoque la personnalité de Sankara qui demeure une idole africaine. Rendez-vous avec X. Putschiste, certainement. Assassin, peut-être. Ami de Kadhafi ou du sanguinaire dirigeant libérien Charles Taylor, Blaise Compaoré était pourtant devenu, pour les grandes puissances, l'homme indispensable de l'Afrique de l'Ouest. celui sur lequel on pouvait compter pour dénouer les conflits régionaux, que ce soit au Togo, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, ou encore en Guinée, ou plus récemment au Mali. Oui, un médiateur, par conséquent. Oui, un dirigeant qui avait incontestablement des talents de diplomate. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que Compaoré était aussi un acteur important de ce qu'il est convenu d'appeler la France-Afrique. Oui, ce qui justifie le soutien que Paris lui a si longtemps accordé. Paris qui a donc sciemment évité de voir les dérives du régime quasi-dictatorial que Compaoré avait imposé à ses citoyens. Autre point très paradoxal. Le Burkina Faso, petit état pauvre et inégalitaire de seulement 16 millions d'habitants, était malgré tout l'enfant chéri des institutions financières internationales, qui louait la rigueur de sa gestion et la relative tranquillité dont jouissait le pays. Il y avait quand même eu plusieurs alertes, non ? Mais à chaque fois, Compaoré avait réussi à s'en sortir. Oui, mais grâce à l'armée. Oui, une petite armée de 12 000 hommes qui, depuis sa prise du pouvoir en 1966, a toujours dominé la scène politique, même s'il est officiellement sous le contrôle du pouvoir civil. Il faut tout de suite dire que Compaoré est lui-même un ancien militaire. Bien sûr. Et vous l'avez constaté, après son départ forcé, c'est un autre militaire qui s'est imposé au pouvoir. Provisoirement, a-t-il promis. Mais l'histoire nous apprend, et ce n'est pas seulement le cas du Burkina Faso, que lorsqu'un militaire conquiert le pouvoir, il a tendance à le garder. Alors, bon, on verra comment se comportera le lieutenant-colonel Zida, qui est un proche de Compaoré. Faut pas l'oublier. Il était même, je crois, l'un des chefs de sa garde présidentielle. Toutefois, pour commencer ce nouvel entretien, il me paraît utile de revenir à la genèse, c'est-à-dire l'irruption sur la scène burkinabé d'un certain capitaine Sankara. Il faut quand même préciser là, qu'autrefois, vous avez déjà longuement parlé de ce jeune et bouillant dirigeant. Qui est aujourd'hui un héros africain, plus populaire même qu'un Lumumba. Alors, c'est vrai. J'ai évoqué autrefois à votre micro la vie et la mort de Thomas Sankara. Je peux même vous dire que cet enregistrement de 2002 a beaucoup, beaucoup circulé sur le web. En Afrique, bien sûr. Vous m'en voyez flatté. Je dois confesser qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore tous les ressorts secrets de cette affaire. Vous avez donc de nouvelles révélations à faire. En effet. Alors, pour commencer, un petit retour en arrière. Quand Sankara arrive au pouvoir en 1983, à la suite d'un coup d'État, c'est la stupeur. Parce que ce trentenaire ne ressemble en rien au cacique qui dirige à l'époque les pays africains francophones. À l'ombre protectrice de la France-Afrique. Évidemment. Et la différence est d'abord physique. Sankara est un bel homme aux allures de crooner. Il a la répartie facile, des qualités indéniables d'orateur. Et il déclare d'emblée qu'il est arrivé au pouvoir pour venir en aide aux plus démunis. Un marxiste, t'en dis. C'est plus compliqué. Il est certain qu'il avait des accents guévaristes. Et d'ailleurs, on le comparera souvent au Che. Mais en même temps, fondamentalement, c'est un humaniste que l'injustice révolte. Un homme qui a failli être prêtre, si l'on en croit ses anciens professeurs. Cependant, ce qui domine chez lui, c'est sa volonté d'en finir avec le colonialisme et ses séquelles. Oui, et ça explique sans doute l'hostilité que vont lui témoigner les tenants de la France-Afrique. Et leurs fidèles alliés sur le continent. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Je passe sur la situation géographique et économique du Burkina Faso. Un pays enclavé, partagé entre le Sahel au nord et la savane au sud. Et qui, en dehors du manganèse, ne dispose pas de ressources naturelles. Détail important. Sans accès à la mer, le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, a traditionnellement dû entretenir des rapports très étroits avec son voisin de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Et donc avec son dirigeant historique, Oufouette Boigny. Le représentant le plus éminent de la France-Afrique sur le continent, oui. Et on verra que dans l'histoire de Sankara, ce potentat a joué un rôle considérable. Bon, l'histoire maintenant. Le premier président de la Haute-Volta indépendante est un certain Yaméogo. Corrompu, il est rapidement renversé. Un général lui succède. Mais il y a plusieurs coups d'État. Résultat, le pays, miné par cette instabilité politique et de longues périodes de sécheresse, s'enfonce dans la misère. Au début des années 80, c'est un colonel qui est au pouvoir. Il appelle au gouvernement un jeune capitaine, Thomas Sankara, qui prend le portefeuille de l'information, après avoir longtemps hésité. Pourquoi il n'a pas envie de faire de la politique ? C'est ça. Alors d'où vient-il ? Fils d'un Peul et d'une Mossi, l'ethnie majoritaire en Haute-Volta, c'est un brillant élève. remarqué par les prêtres d'une mission catholique, qu'il aurait bien vu prendre le chemin du séminaire. Mais le jeune Thomas veut devenir médecin. Toutefois, ne disposant pas d'une bourse, il choisit la carrière militaire. Envoyé à l'Académie militaire de Madagascar, il va être très influencé par ce qu'il y voit. C'est-à-dire ? Le grand tournant malgache vers le socialisme. Et il regarde cela avec intérêt parce que c'est un esprit curieux qui s'intéresse à l'économie, aux sciences politiques, au journalisme. Après Madagascar, il effectue un stage de parachutisme en France. Puis il se perfectionne au Maroc, où il se lie d'amitié avec un certain Blaise Compaoré. Les deux hommes, et ça durera presque jusqu'à la fin de Sankara, sont alors inséparables. Et quand il revient au pays, alors ? Il s'illustre dans un bref conflit territorial qui oppose la Haute-Volta et le Mali. Ça lui vaut de prendre le commandement d'une école militaire chargée de former les commandos. Son ami, Compaoré, l'y rejoint, et le seconde. Déjà, Sankara est le militaire le plus populaire de la Haute-Volta. Alors c'est pourquoi le nouvel homme fort du pays, là, ce colonel, fait appel à lui. Bien sûr. Il faut aussi souligner que le capitaine, presque naturellement, est devenu le leader d'un petit groupe d'officiers très engagés à gauche et résolument anticolonialistes. Des militaires qui sont convaincus que leur pays doit se sortir d'affaires tout seul. Ouais, c'est-à-dire sans dépendre de la France. Et en rompant avec la plaie de la corruption. En tout cas, ministre, il impose aussitôt un exercice nouveau de la politique, privilégiant simplicité et efficacité. Ce n'est qu'un exemple. Mais il se déplace à bicyclette et exige que ses fonctionnaires travaillent. Cependant, il ne tarde pas à démissionner. Quoi, il est déçu ? Surtout quand il parle de lutter contre la corruption. Il n'est guère entendu. Mais peu après, un nouveau coup d'état militaire chasse le colonel qui s'était imposé en 1980. Sankara, ses amis officiers sont derrière ? Il ne désapprouve pas, en tout cas. Le nouveau président, un médecin militaire, propose à Thomas Sankara de prendre la tête du gouvernement. Alors là, il accepte ? Oui, et d'emblée, il met en pratique ses convictions. Il s'attaque au redressement économique, à l'équité salariale et à la lutte contre la corruption. Et à l'extérieur, il se tourne vers les pays dits progressistes, Éthiopie, Libye, Angola, etc. Oui, ce qui ne doit pas lui valoir que des amis. Hein. Certains de ses homologues africains, tous. Et parmi eux, alors, c'est ces hommes qui gouvernent pratiquement depuis l'indépendance de leur pays. Et qui sont les meilleurs amis de la France, dont la politique africaine, malgré l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, n'a pas vraiment changé. Ne serait-ce que parce que les hommes des réseaux mis en place par Jacques Foccart sont restés très actifs. Alors, faut-il voir leurs mains dans ce qui est arrivé 4 mois seulement après la nomination de Sankara au poste de Premier ministre ? C'est possible. Ouais, que s'est-il passé exactement alors ? Sankara est arrêté sur ordre du président en mai 1983. Une interpellation qui coïncide avec une visite à Ouagadougou du conseiller de Mitterrand pour les affaires africaines, Guy Penn. Ça, c'est embarrassant. Hein. D'autant que l'émissaire français n'est pas venu les mains vides. Il annonce l'octroi par la France d'une aide exceptionnelle de plusieurs centaines de millions de francs. Et en contrepartie, il aurait demandé l'éviction de Sankara ? Il était difficile de ne pas y penser, non ? En tout cas, cela a été un coup d'épée dans l'eau, car la population a commencé à gronder. Puis les militaires sont sortis de leurs casernes. Et le président, qui avait manifestement sous-estimé l'immense popularité de Thomas Sankara, a été balayé 3 mois plus tard par un nouveau coup d'État qui a porté le capitaine au pouvoir. Dorénavant, celui-ci avait entièrement les mains libres. Monsieur X a évoqué l'influence sur Sankara de sa période malgache. C'est là qu'il s'est véritablement formé, si j'en crois François-Xavier Verschav, auteur de La France-Afrique, le plus long scandale de la République. Je cite. Il y a trouvé complémentaire de la lecture, un moyen d'étancher sa soif d'apprendre, de comprendre. Avec une question constante, le développement, ou comment sortir d'une misère asservissante. Par les échanges entre élèves officiers africains, que Sankara ne cesse de stimuler, par l'influence de quelques enseignants atypiques, Sankara ne se contente pas de relancer sans cesse la discussion économique et politique. Il cultive une palette étonnante de qualités. La stratégie militaire, l'humour oratoire, la rédaction d'un périodique, la course de fond, ce fut un excellent coureur de 5000 mètres, la guitare. Surtout, il ne cesse de s'interroger sur les échecs de la première décennie des indépendances africaines. Avide d'expérience, il reste une année supplémentaire dans un Madagascar en pleine révolution. Il y accomplit un service civique tourné vers le développement rural. Il étudie, mais il va aussi cultiver le riz dans la boue. Rendez-vous avec X. Après ce coup d'État de 1983, Sankara prend la tête d'un Conseil national de la Révolution où l'on retrouve de jeunes officiers. Ouais, ses amis qui, comme lui, veulent réformer profondément le pays. Et en finir avec le sous-développement en mettant résolument la barre à gauche. Et Compaoré, alors, fait partie de ce conseil. Naturellement. Compaoré devient le bras droit de Sankara, son conseiller, son confident, un vrai frère jumeau. Donc Sankara a une entière confiance en lui. Absolu. Les nouveaux maîtres du pays commencent par lui donner un nouveau nom, le Burkina Faso. Oui, je crois que ça veut dire le pays des hommes intègres. Et c'est une façon très symbolique de rompre aussi avec le néocolonialisme. Mais ça ne suffit pas, bien évidemment. Alors, Sankara se met rapidement au travail. D'abord, il impose au nouveau ministre un train de vie plus modeste. Les grosses limousines du gouvernement sont vendues et Sankara lui-même roule à bord d'une modeste R5. Ensuite, il entend mobiliser la population burkinabé. Mais de quelle façon alors ? Beaucoup de chefs coutumiers sont remplacés par des comités de défense de la Révolution, chargés de privilégier l'éducation et la santé, alors que l'état sanitaire du pays est déplorable. Mais réaction de la population Elle est enthousiasmée par son nouveau président, surtout lorsqu'il s'attaque à la bureaucratie, ou limite de façon drastique le budget de l'État. Autre objectif prioritaire, il invite ses compatriotes à consommer de préférence des produits locaux, afin de limiter les importations. C'est son obsession. Sankara ne veut plus que son pays soit aussi dépendant de l'aide extérieure. Et d'abord, celle de la France. Bien entendu. Et obtient-il des résultats ? C'est long à venir, tant la situation économique du Burkina Faso est catastrophique. C'est pourquoi il essaie, malgré ses grands principes, de nouer des relations privilégiées avec les pays de l'Est, afin d'en obtenir de l'aide. Et s'agit-il d'un alignement ? Non, car même s'il n'est pas dénué d'une certaine forme de naïveté, Sankara demeure lucide. Ce marxiste, très pragmatique et certainement populiste, condamnera, par exemple, l'intervention soviétique en Afghanistan. Autre question essentielle. La révolution burkinabé a-t-elle fait l'économie de la violence ? Il y a certainement eu des excès, mais en petit nombre. Sankara, en personne, s'est opposé à l'utilisation de la violence aveugle. Les anciens dirigeants, soupçonnés de corruption, ont été jugés publiquement. Et avant même l'ouverture de leur procès, Sankara avait décidé qu'il n'y aurait pas de condamnation à mort. Était-ce un président exemplaire ? Je ne dis pas ça. Sankara a commis des erreurs. La principale, à mon avis, étant d'avoir laissé la bride sur le cou aux chefs locaux des CDR, les comités de défense de la Révolution. Certains d'entre eux n'ont pas manqué de se conduire en tyrannos locaux, au risque de provoquer le mécontentement des populations. Autre défaut de Sankara, sa tendance à décider de tout lui-même, et donc à ne plus consulter systématiquement les membres de son conseil. Ouais. Ne s'est-il pas rendu compte qu'il fallait corriger ses dérives ? Si. Au milieu de l'année 1987, il dénonce publiquement et à plusieurs reprises les erreurs qui ont été commises. Il affirme que des injustices ont frappé certains citoyens. Il faut rectifier, dit-il. À commencer par sa propre pratique du pouvoir. Certainement. Mais je pense que cette prise de conscience a été trop tardive. Déjà, les forces qui lui étaient hostiles avaient décidé sa perte. Alors, Qui ? Ben, j'y viens tout de suite. Auparavant, il faut lui reconnaître d'avoir fait passer un véritable courant d'air frais sur un continent accablé par la misère et la corruption. Il y avait enfin un chef d'État africain décidé à prendre à bras-le-corps le destin de son pays. Un nouveau type de dirigeant du tiers-monde. Qui a suscité un immense enthousiasme en Afrique. Nombreux ont été ceux qui ont fait le voyage de Ouagadougou pour aller à la rencontre de ce président bon enfant qui participait à des courses cyclistes ou sortait à tout propos sa guitare. La guitare. Alors ses ennemis, on y vient, qui étaient-ils ? D'abord, il faut souligner que ses relations avec la France ont été très tumultueuses, sinon houleuses. Mais enfin, je vous passe le détail. Et ça ne s'est pas arrangé sous la cohabitation Mitterrand-Chirac à partir de 1986. Parce qu'on a vu reparaître dans les coulisses du pouvoir un certain Jacques Foccart. Et pour ce parrain de la France-Afrique, Sankara, c'était le diable. Ouais, le diable. Il va donc travailler à sa perte. En tout cas, il ne fera rien pour s'y opposer. Bien au contraire. D'autant que les potentats de la France-Afrique, tels Fouette Boigny, le pressent d'agir. Ouais, car pour eux, Sankara donne le mauvais exemple. Ah bah forcément, ce chantre de la lutte contre la corruption menace par là même leur pouvoir. Mais dans l'ombre, d'autres forces occultes se préparent. Bon, enfin, un tout petit peu de patience et j'y viens. Voyons d'abord les faits. Le 15 octobre, à Ouagadougou, alors que le président burkinabé participe à une réunion dans le bâtiment présidentiel, un commando d'élite de l'armée surgit. Sankara est immédiatement abattu par une rafale de mitraillettes. Et 7 de ses collaborateurs sont également exécutés. Sankara ne bénéficiait donc pas d'une protection ? C'est pas le genre du personnage. Et pourtant, à plusieurs reprises, on l'avait averti qu'il risquait d'être assassiné. Alors, ces assassins-là, d'où venaient-ils ? On a dit qu'il s'agissait d'hommes de Compaoré. Compaoré, le grand ami de Sankara. Et qui lui succédera à la tête du Burkina Faso. Ah ben, ce qui permet tout de suite de penser que c'est Compaoré qui l'a fait assassiner. Hein. Oui, mais enfin, on n'a jamais pu le prouver. D'ailleurs, Compaoré prendra bien soin d'affirmer qu'il était loin au moment de l'exécution. Il dira même qu'il dormait. Toutefois, il reconnaîtra qu'il avait donné l'ordre d'arrêter son ami Sankara. De l'arrêter, mais pas de le tuer, bah, c'est quand même un demi-aveu. Et il faut tout de suite observer que les assassins ne seront jamais inquiétés. Et plus tard, il se trouvera même un médecin pour déclarer que Sankara est décédé de mort naturelle. Mmh, ouais. Et si c'est Compaoré, alors pourquoi ? Pour être calife à la place du calife ? Bien sûr. En fait, on peut aujourd'hui affirmer, sans grande chance de se tromper, que l'ami Compaoré a surtout été l'instrument d'un complot plus vaste. L'instrument, pas parce qu'il était le plus à même de faire disparaître Sankara à cause de leur étroite proximité. Pourtant, ce dernier aurait dû avoir son attention éveillée. Mais pour quelle raison, alors ? Alors que les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'avaient cessé de se dégrader, Compaoré, lui, avait fait le chemin inverse. C'est-à-dire ? Eh bien, ce fringant capitaine était du dernier mieux avec l'entourage du président Fouette Boigny. Il avait même épousé une parente fortunée du vieux président ivoirien, en même temps qu'il avait peu à peu renoncé au mode de vie spartiate qui était la règle pour tous les dirigeants du Burkina Faso. Mais les relations entre les deux grands amis s'étaient-elles distendues ? On peut le penser, même si publiquement en tout cas, Sankara et Compaoré demeuraient les meilleurs amis du monde. Toutefois, ils se fréquentaient moins. Quoi, depuis le mariage de Compaoré hein ? Oui, Compaoré, qui avait l'habitude de venir déjeuner tous les jours avec Sankara et son épouse, avait pris ses distances. Et ça, c'était un signe ? On peut l'imaginer, après coup. Autre indice que quelque chose se préparait. Dans les mois qui ont précédé l'exécution de Sankara, une véritable pluie de tract s'est abattue sur le Burkina Faso. Le capitaine était accusé de dérive militaro-fasciste. On y lisait aussi des insinuations parfaitement sordides sur sa vie privée et celle de son épouse. Une campagne de diffamation coûteuse qui visait manifestement à creuser un fossé entre Sankara et les autres capitaines au pouvoir. Et dont Compaoré. Et ces tracts-là, d'où venaient-ils ? Non, certainement d'un pays voisin qui avait une frontière commune avec le Burkina Faso. Vous voulez dire la Côte d'Ivoire ? Ça me paraît probable. Et ça faisait partie d'un plan dont la finalité était la liquidation sanglante du capitaine Sankara. Mais si les Ivoiriens étaient impliqués, ils n'étaient pas les seuls. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Revenons un instant sur la mort de Thomas Sankara. Avec cette étrange déclaration de ce dernier, très peu de temps avant sa disparition. Déclaration faite au micro de la télévision suisse. Je cite « Un jour, des gens sont venus me voir complètement affolés. Il paraît que Blaise prépare un coup d'État contre toi. Ils étaient, le plus sérieusement du monde, paniqués. Je leur ai répondu ceci. Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même me prévenir. Cela voudra dire qu'il est trop tard et que ce sera imparable. Il connaît tant de choses sur moi que personne ne pourrait me protéger contre lui s'il voulait m'attaquer. Il a contre moi des armes que vous ignorez. » Quelles armes ? Mystère. Mais il reste que Compaoré, apparemment, est bien arrivé à ses fins, directement ou pas. Parmi ceux qui désiraient liquider Sankara, il est difficile de ne pas penser aux Français. Oui, les partisans de la France-Afrique. Hein. Et il faut bien dire que le capitaine leur avait offert maintes raisons de vouloir l'éliminer. Oui, justement, à cause de ses critiques sur ce système néocolonialiste. En outre, Sankara donnait l'impression de se mêler de tous les sujets susceptibles de contrarier Paris. Il a, par exemple, pris parti pour les indépendantistes Kanak en Nouvelle-Calédonie ou apporté son aide à l'opposition armée tchadienne au président Issenabré, alors soutenu par la France. Donc il y avait des raisons objectives pour souhaiter sa liquidation. Pourtant, le coup est peut-être venu d'un endroit d'où on ne l'attendait pas, du Libéria. Je vous explique. Là-bas, Charles Taylor cherchait à renverser le président au pouvoir. Taylor, il faut le rappeler, qui a été récemment condamné par un tribunal international. Pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, oui. En 1987, il essaye donc de s'emparer du pouvoir. Réfugié au Ghana, cet ami de Kadhafi aurait demandé de l'aide à Sankara, ce jeune chef d'État progressiste qui n'hésite jamais à ruer dans les mancards. Mais Sankara qui entretient lui-même de bonnes relations avec Kadhafi. Hein. Et ce qui exaspère Paris. Oui, à cause des visées de Kadhafi, des visées territoriales au Tchad. Encore une raison d'en vouloir à Sankara. Mais enfin, passons. Taylor contacte donc ce dernier. Mais le capitaine aurait refusé de l'aider. Vexé, ce futur dictateur connu pour ses accès sanguinaires, se serait tourné vers Compaoré, qui, lui, aurait accepté de lui donner un coup de main. Quoi ? Un soutien militaire ? Vraisemblablement, mais à une condition. Que Taylor, à son tour, l'aide à se débarrasser de Sankara. Alors, ce sont donc des soudards de Taylor qui l'auraient assassiné ? C'est comme une hypothèse très échevelée. Hein. Je suis d'accord. Mais il est quand même troublant de constater que, par la suite, Blaise Compaoré accordera à Taylor un soutien inconditionnel. Ah bah, ce qui n'est peut-être pas sans rapport avec le fait que le Libéria est très riche en diamants. Oh, vous êtes encore plus mauvaise langue que moi. Bon, enfin, trêve de plaisanterie. La liquidation de Sankara aurait fait partie d'un plan élaboré par Kadhafi, qui voulait placer ses pions dans les pays d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Libéria et Sierra Leone. Et ça ne me paraît pas insensé. Mais je ne peux pas en dire plus. Comparé avec ou sans Taylor, s'empare donc du pouvoir. Que se passe-t-il ensuite ? Le jour même de l'assassinat de Sankara, Blaise Compaoré dissout le Conseil de la Révolution nationale. Mais il faudra attendre 1991 pour qu'il mette fin à l'état d'exception et donne à son pays une constitution prévoyant une élection présidentielle et législative. Ouais. Et bien sûr, Compaoré va être élu. Puisque c'était le seul candidat en lice à la présidence du Burkina Faso. Mais 2 ans plus tard, de violentes manifestations étudiantes secouent le pays. Compaoré répond par la manière forte. On arrête et on torture. Puis en 1997, grâce à une révision de la Constitution, le président obtient d'être rééligible. D'ailleurs, en 1998, il est réélu triomphalement avec un score quasi-soviétique. Mais cette même année, une grave affaire jette une lumière crue sur les agissements du régime. Quoi, là ? Norbert Zongo, directeur du journal L'Indépendant, est assassiné. Il venait de publier un article sur la mort suspecte du chauffeur du frère de Compaoré, François, un affairiste devenu tout-puissant au Burkina Faso. Le chauffeur accusé de vol par la richissime épouse de François Compaoré a été passé à tabac. Et il a été retrouvé mort dans l'infirmerie de la présidence. Et à ce que ce journaliste, Zongo, a mis en évidence. Oui. Alors bon, Je vous passe les détails, mais malgré une enquête vite étouffée, il apparaît que le trou curieux Zongo a été liquidé par la garde personnelle de Compaoré. Oui. Conséquence, hein. Le président burkinabé est tenu quelque temps à distance par la communauté internationale. Mais dès 2001, sa quarantaine est terminée. Blaise Compaoré est reçu en visite officielle à Paris. Alors, il est redevenu fréquentable. C'est ça. Son pays, en dépit du taux d'extrême pauvreté de ses citoyens, est cité en exemple par le FMI, le Fonds monétaire international. Non seulement il offre les apparences d'une démocratie, mais son président semble indispensable. Indispensable, c'est-à-dire ? Compaoré s'impose comme un médiateur obligé dans tous les conflits régionaux. Même si, par exemple, dans l'imbroglio ivoirien, il a joué un rôle plutôt trouble. Mais il n'empêche, on le considère maintenant comme une sorte de juge de paix. Cette image flatteuse lui permet, grâce à une nouvelle manipulation de la Constitution, de pouvoir effectuer deux quinquennats supplémentaires, le dernier se terminant en 2015. Ouais, mais en 2015, s'il veut se représenter, il lui faudra à nouveau obtenir une modification constitutionnelle. Hein. Bah, il ne doute pas qu'il réussira, puisque l'Assemblée nationale lui est acquise. Cependant, on le sait maintenant, cette manœuvre lui sera fatale. Oui, d'autant que l'affaire Zongo n'a pas été oubliée, et que l'impunité dont a bénéficié le frère de Compaoré a provoqué un véritable scandale. À cela s'ajoute une situation sociale de plus en plus explosive, ponctué de nombreuses manifestations contre la vie chère. En 2011, le trône présidentiel a même vacillé après la mort d'un collégien lynché par des policiers. Une violente contestation a suivi et 5 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre. Mais Compaoré a rétabli la situation. Non sans mal, car la garde présidentielle aussi a menacé de se mutiner. Or, Compaoré tient son pouvoir de l'armée. Pour s'en sortir, il a donc dû limoger le gouvernement et une partie de la hiérarchie militaire. Puis, il a annoncé une batterie de mesures, dont une baisse des prix de certains produits de grande consommation. Oui, mais il a eu chaud. Oui, car les violences et les pillages s'étaient étendus dans tout le pays. Et il n'a dû son salut qu'à la faiblesse de l'opposition politique qui a été incapable de canaliser en sa faveur la grogne de la population. Ouais, toutefois, ce n'était qu'un répit. Ce que Compaoré n'a pas compris. En particulier, lorsque malgré les nouveaux avis qui lui ont été donnés, il a persisté à obtenir une prolongation de son déjà trop long règne. Et parmi ses conseils, il y a eu celui de François Hollande, qui en octobre 2014 lui a envoyé un courrier où il lui suggérait qu'il était peut-être temps de laisser sa place. Ouais. Bon. Et ensuite, tout est allé très vite. Hein. Et ce sont sans doute les jeunes Burkinabés qui ont sonné le glas du régime par le biais d'un mouvement associatif, le Ballet Citoyen, lancé par 2 stars de la chanson burkinabé. Une appellation ironique, mais une vraie volonté d'en finir avec un président ogni. Et ce n'est sans doute pas un hasard si ces jeunes gens se réclamaient des idéaux de Thomas Sankara. Ah, une sorte de revanche posthume pour ce dernier ? La revanche d'un homme trahi par son meilleur ami. Dès la fin octobre, des centaines de milliers de Burkinabés manifestent dans les rues des grandes villes du pays pour demander la démission de Blaise Compaoré. Une foule qui va s'engouffrer dans l'Assemblée nationale. Et où les députés doivent donc voter une loi permettant à Compaoré de se représenter. Hein. Les locaux sont mis à sac et incendiés, puis les insurgés s'en prennent aux maisons des dirigeants du régime. Devant la demeure du frère détesté, François Compaoré, une milice privée armée jusqu'aux dents veille. Oui, mais elle finira par être envahie. Hein. Et dévastée. Ouais. Comment réagit alors le président devant cette émeute populaire ? Il accepte de recevoir une délégation d'opposants. Mais il est trop tard. Au soir du 30 octobre, le général Traoré, chef d'état-major de l'armée burkinabé, parle à la télévision et se proclame président du pays, sans toutefois renier son allégeance à Blaise Compaoré. Ça, c'est bizarre. Et de son côté, ce dernier semble encore y croire. Dans un discours télévisé, il déclare qu'il est prêt à discuter avec l'opposition et qu'il lève l'état d'urgence qu'il avait décrété le matin même. Mais le lendemain, la foule est encore plus nombreuse dans les rues de Ouagadougou. Oui, Compaoré est alors obligé de démissionner. Et même de fuir au plus vite. Avec l'aide de la France, hein, déclarera plus tard Hollande. Il rejoint la capitale ivoirienne, Yamoussoukro, où son épouse l'attend déjà. Ce qui veut dire que sa fuite était donc préparée. Alors, dites-moi, là, pourquoi la France est-elle venue à son secours ? Parce qu'entre Compaoré et la France, il y a eu trop de connivence et de coups tordus. Il était certainement urgent de le mettre à l'abri et d'éviter qu'il tombe dans les mains des insurgés. Alors l'avenir ? Ah, vous le savez, c'est un autre militaire, le lieutenant-colonel Zida, qui a écarté le général Traoré et pris sa place. Malheureusement, son pédigré n'inspire guère confiance. Expliquez-moi. Zida, numéro 2 de la garde présidentielle, est une pure créature du président déchu. Et c'est surtout le second du général Gilbert Diendéré qui est l'homme de l'ombre de Blaise Compaoré depuis l'assassinat de Sankara. Son homme des basses œuvres, si vous voulez, qui a eu la charge des relations avec le Libéria et qui s'est aussi occupé assez récemment de la situation au Nord-Mali. Oui, les tractations avec les rebelles Touaregs. C'est donc un homme qui connaît nombre de dossiers et qui peut continuer à jouer auprès de Zida le rôle ténébreux qui était le sien auprès de Compaoré. Ce qui fait dire aux bons connaisseurs du pays, Zida, c'est le système Compaoré sans Compaoré. Oui, mais il semble avoir rendu le pouvoir à un civil, là, Michel Cafondo. Oui, qui reste sous le contrôle des militaires, puisque Zida a obtenu d'être nommé Premier ministre. Car pensez-vous qu'une armée qui gouverne le pays depuis 48 ans acceptera sans coup férir de rentrer dans ses casernes et de remettre le pouvoir aux civils ? J'en doute. Cette émission a été réalisée bien naturellement par Michel Biou, mixée par Basile Bocquer, mise en musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca de Nantes qui a lu pour nous une étude. Oui, un mot sur le travail de Bruno Jaffré, un ingénieur de formation qui se passionne depuis une vingtaine d'années pour le Burkina Faso et notamment la vie et les circonstances de l'assassinat de Thomas Sankara. Il lui a consacré une biographie chez l'Harmattan, rééditée en 2007, et aussi un site très bien informé, thomassankara.net. Dans son blog sur Mediapart, il revient sur les dernières années du règne de Blaise Compaoré jusqu'à sa chute. Enfin, comme le temps des cadeaux arrive, je vous recommande un beau livre richement illustré, « L'histoire mondiale de l'anarchie » aux éditions textuelles. Un panorama sans précédent de tous ces hommes obscurs ou célèbres qui ont brandi le drapeau rouge et noir. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite, après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.